Sans aucun repère, complètement égaré, je cherchais ma mère dans le supermarché. Alors, j'ai regardé dans tous les rayons, de la lingerie jusqu'au poisson, mais toujours pas ma mère, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis triste, ma maman m'a abandonné, je suis triste, je veux la retrouver. Ça y est, je crois que c'est maman là-bas, c'est son caddie, je reconnais toutes les choses qu'il y a dedans, c'est ma maman qui les a achetées. La voilà de dos qui observe une promo, je cours le plus vite que je peux, c'est un câlin que je veux, je suis content. J'ai retrouvé ma maman, je suis content, je ne suis plus seul maintenant. Je croyais que c'était ma maman. C'était une jolie dame qui m'a regardé tendrement. Je suis tombé amoureux parce qu'elle m'a souri, m'a caressé les cheveux. Ensuite, elle m'a dit: mais bonjour mon petit, mais comment tu t'appelles? Et moi j'ai rougi parce qu'elle était très très belle. Le petit Robert est demandé au rayon saucisson à l'ail. Le petit Robert. Oh la honte! En plus, moi, devant la femme de ma vie, ben, je me suis senti tout petit, petit, petit, petit, petit, petit. Puis on est reparti, et maintenant, tous les samedis, je me perds dans la galerie, à la recherche de la dame de mes nuits. Je suis triste, mon amour m'a abandonné. Je suis triste, je veux la retrouver. Je suis triste, mon amour m'a abandonné. Je suis triste, je veux la retrouver.